lorsqu'il a liquidé ses oppresseurs, politiquement parlant, historiquement parlant, et là, il est véritablement un peuple politique. Alors qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que nous ne sommes pas des peuples. Mmh. Historiquement, c'est établi. On est des peuples. Mais depuis cette séquence, nous avons perdu l'initiative de notre histoire. N'est-ce pas ? Face à ce qu'on appelle l'Occident, et peut-être aussi avec les Arabes. C'est-à-dire que la notion de peuple est problématique dans les pays africains. On parle de peuple dans les catégorisations électorales, constitutionnelles, juridiques. Ça a du sens. Il faut en tenir compte. Devant la complexité de leurs problèmes, il ne faut pas s'amuser à jouer le jeu du vide où il n'y a rien. Ça va prêter le flanc à beaucoup de choses. Mais quand on approfondit, quand on va approfondir la réflexion politique, il faut intégrer ce que tu es en train de dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secret de l'Occident, ce n'est pas compliqué. C'est la division des Africains. L'Occident a réussi une chose, et c'est sur ça qu'il base son arrogance et son assurance lorsqu'elle lance des dynamiques, n'est-ce pas, pour anesthésier davantage les Africains. C'est qu'il a réussi à recruter un grand nombre d'Africains qui travaillent en toute conscience pour l'Occident. C'est ça le génie occidental dans les questions actuelles. Ce n'est pas autre chose. Ça se répercute exactement en RDC. Voilà un pays, Bachir, quand vous y allez, la majorité, ça vous surprend, mais je dis la vérité, en RDC, s'abreuve à France 24. Est-ce que vous savez ça ? À France 24. C'est France 24. Ils ont en partie le même rapport que nous avons avec nos ancêtres gaulois. Ils ont ce même rapport avec la Belgique. C'est quelque chose qui est difficilement explicable, mais on vit ça. Ça veut dire qu'il y a, sur le plan culturel et sur le plan mental, un travail profond à faire à ce niveau. Donc il faut rattraper ça avec intelligence, il faut rattraper ça politiquement, il faut rattraper ça avec un ensemble d'actions énergiques. Donc par exemple, quand le président Kabila suspend RFI en RDC, c'est bon, c'est pas suffisant. Il faut inverser ce rapport, par exemple, qu'ils ont avec France 24. C'est quoi cette affaire où on vous arrose, comme on veut, et chez vous, et il n'y a pas la réciproque. Aujourd'hui, par exemple, en France, Afrique Média, c'est une chaîne interdite. Par rien, vous pouvez regarder ça sur des petits bouquets, ou bien sur Internet. Mais c'est quoi cette affaire où RFI arrose matin, midi, soir, les pays africains, sans réciprocité à RFI? Ça, il faut arrêter. Par exemple, il faut arrêter ça. Alors, Toyo a convoqué un ensemble de problématiques très, très pointues. J'ai des réserves sur certaines résolutions qui sont les siennes, mais dans l'ensemble, je le félicite. Je partage ça totalement, en grande partie. Il a posé la question de la démocratie. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on appelle démocratie? Il y a démocratie où, en Occident, il n'y a que démocratie là-bas. Est-ce qu'il peut y avoir démocratie dans un système capitaliste? De quoi est-ce qu'on parle? Sauf si on parle de démocratie bourgeoise, de démocratie élitiste, si on parle de dynastie financière, oui, il n'y a que démocratie là-bas. Là, vous avez la dictature du capital. Un pays comme la France, c'est depuis peut-être bientôt 100 ans, c'est une dizaine de familles qui gèrent la France. C'est pas aux États-Unis, on les connaît. On les connaît. Donc ils ont domestiqué le jeu politique, ils en ont fait leur jouet, ils placent qui ils veulent à la tête des États, de leur pays. C'est pareil, aux États-Unis, on l'a vu, c'est avec Kennedy. Dès qu'il a plongé la ligne rouge, on l'a assassiné. Et jusqu'à aujourd'hui, en attendant que tous ceux qui l'ont tué meurent, c'est quelle défense? Mais c'est un président, M. Bachir. Vous savez l'impact de l'assassinat d'un président dans un pays? C'est le président des Américains. Et je veux que c'est mon cas. Je peux évoquer la question nègre aux États-Unis. Je peux évoquer la question des armes aux États-Unis. Je peux évoquer la question des lobbies qui sont de vrais électeurs aux États-Unis. C'est-à-dire où, pour députés, vous devez être absolument pris en charge par un lobby, Et les députés américains, je le dis, comme on démontre le contraire ici, généralement, ils ne lisent même pas les projets de loi. Ce sont les lobbies qui écrivent ça à leur place. Ils viennent seulement bavarder comme ça à la télévision. Ils viennent lire ça à la place de lobby. C'est vrai pour l'Union européenne aujourd'hui. La plupart des lois de l'Union européenne sont imposées par les lobbies industriels. Les lobbies industriels. De l'argent. C'est connu, mon cher Bachir. C'est connu. Ne parlons pas du cas récent de la France. Alors, ils se réveillent de leur sommeil comateux. En disant que, mais quel est l'étranger que nous avons mis à la tête du pays? Mais il est déjà élu. Macron a été l'un des meilleurs placements électoraux qu'on ait vu dans l'histoire de la politique. Sorti de nulle part, on a saccagé l'équilibre électoral du pays, on a liquidé notre candidat, et on lui a mis en place Marine Le Pen pour qu'il passe comme un roi. Il est président, et c'est pour ça qu'il est si étranger au problème du peuple français. Il est si étranger parce que ce que l'on place, il a été placé. Et à partir du moment où ce que l'on place ont réussi à anesthésier le prétendu grand peuple français, il arrive au pouvoir, il s'en fout, il sait que vous êtes des vauriens. Il applique ses politiques les plus brutales et réactionnaires comme il veut. Jusqu'au jour où il a en face de lui les gilets jaunes, il descend de Jupiter, il revient sur Terre. Donc, il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ça existe où ? Vous ne pouvez pas démocratiser un monde global en laissant que le centre du monde soit gouverné par la dictature la plus ignoble telle qu'on le vit. À l'ONU, dans tout le système d'organisation internationale, vous venez à la périphérie prétendre démocratiser en plus des colonies. Mais on se moque de qui ? Donc, par rapport à ça, je partage le point de vue de M. Tayou. Nous partageons également le même point de vue sur la question de l'économie. Ça débouche sur une absolutisation de ce qu'on appelle en Europe la propriété privée. Quand je dis absolutisation, c'est que c'est un dieu. C'est incontestable. Dans les pays occidentaux, c'est la propriété privée qui est le totem de leur civilisation. D'où le rapport avec l'individualisme. Donc, sur cet ensemble de choses, il faut qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, avant de soulever d'autres problématiques que j'ai notées, il faut que les hommes politiques congolais, du moins cette alliance qui est aujourd'hui entre le président Kabila et le camp Tshisekedi, il faut que cette alliance prenne certaines mesures rapidement, des mesures de consolidation, n'est-ce pas, de leur ancrage. Il faut le faire. Il faut oser. J'ai des exemples avec au niveau de la guerre médiatique, mais il faut aller plus loin. Au niveau de la désoccidentalisation de la RDC, il y a un processus, mais il faut l'accélérer. Il faut accélérer. Le problème Kabila a commencé. Il faut aller loin à ce niveau-là. Bachir, quel est le problème qui dérange ce pays? Moi, j'ai. Ça fait plus de 6 ans que nous sommes. Que nous avons commencé cette dynamique. Nous avons commencé cette dynamique où j'ai posé ici la problématique de la RDC. Oui. Ça fait 6 ans. Et je ne change pas. Je ne change pas la problématique. Si on veut parler de la RDC en faisant comme si la RDC est née aujourd'hui, je pense que ce n'est pas sérieux. Pour rester pour lui, ça n'a aucun sérieux. On fait un débat des enfants. Le problème de la RDC a commencé depuis, je le répète toujours, lorsque ce voyou, qu'on appelle Léopold II, en a fait sa propriété personnelle. Et dès qu'il a fait, pour sécuriser cela, il a fallu qu'il fasse une alliance internationale de bandits pour donner à la RDC un statut international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une propriété de Léopold II, de quelques puissances coloniales et de certains lobbies concessionnaires, pour sécuriser son butin. À partir de ce moment-là, le destin de ce pays a été scellé. Scellé. L'indépendance n'y a rien changé. Et tout à l'heure, le président Nguema Mouyou nous convoquait l'épisode de Lumumba. Oui. Mais avant Lumumba, c'était déjà scellé, terminé. Ça veut dire que toute dynamique qu'il y aura en RDC, qui va essayer de remettre en cause ce statut international, entre guillemets, qui fait que la RDC n'appartient pas aux Congolais, aux Aïrois, si on parlait comme ça, mais appartient aux descendants de Léopold II, qui ont transformé ce butin en ce qu'on appelle le lobby des mines, ce conglomérat minier qui règne dans le monde et qui s'est enrichi à partir de la RDC. Vous y avez le Vatican, vous y avez les lobbies américains, français, vous avez les Belges, les Italiens, et maintenant le lobby raciste qui reste encore là-bas en Afrique du Sud et qui a voulu instrumentaliser la SADC justement pour nuire à la RDC. Ça parce que je dis la SADC, ça parce qu'on fait un virage. Mais on n'a pas oublié le comportement de la SADC depuis, à travers le Botswana, qui passait le temps à faire pression. Mais pourquoi son appel à la cohabitation n'exclut pas, dans la continuité, l'appel au recomptage des bulletins. Moi, la SADC, je ne crois pas à la SADC. Oui. Je ne crois pas. Alors, si l'Afrique du Sud est revenue à des bons sentiments qui relèvent du plus pragmatisme politique, je ne suis pas naïf pour comprendre que la SADC a joué le rôle que continue à jouer le Rwanda contre ce pays. Je suis l'une des seules voix qui continue à s'élever aujourd'hui. Et maintenant, ce que vous appelez Conseil de sécurité a enfin fait un rapport. Enfin, sorti un rapport pour indexer le Rwanda. Il n'est pas admissible qu'un pays africain, alors que son président dit que le président de l'Union africaine, s'ingère comme ça dans le pillage d'un pays voisin. Une bonne partie des revenus du Rwanda vient du pillage de l'Est du Congo. Et le président Kagame, il y a une mise personnelle. Est-ce que c'est normal, ça? Mais à partir de ce moment-là, mais il ne peut être que qu'un instrument de ce lobby-là pour foutre ce pays en l'air. Et Khatoum Bila dit ouvertement devant le monde entier que le président Kagame les soutient ouvertement. Des réunions s'y sont tenues où la question du départ de Kabila par tous les moyens ont été envisagés. C'est quelle logique, ça? Est-ce que c'est possible que le président Kagame l'admette si on fait ça à son pays, mon cher Bachir? Donc il faut que cette chose ça s'arrête. Donc je suis en train de dire que l'enjeu ces temps-ci avec les changements géopolitiques dans le monde, c'est que l'émergence de la Chine, que Tayo a si bien décrit, chamboule le jeu géopolitique mondial. Et pour que l'Occident maintienne son rang, il faut recoloniser, je répète, recoloniser les pays africains. Parce que les ressources naturelles qui déterminent le sort économique du monde sont en Afrique. Et si l'Occident n'y a pas sa mainmise, mon cher Bachir, elle ne peut pas tenir le rang face à la Chine. C'est impossible, mon cher Bachir. Et dans l'équilibre de ces ressources-là, la RDC pèse d'un très gros poids. Il est inacceptable et vital pour les Occidentaux de contrôler les ressources de la RDC pour faire face à la Chine. J'ai dit, c'est vital pour eux. Et lorsque dans leur grand projet qu'ils ont appelé Grand Moyen-Orient, avec ce voyou de Bush fils qui a détruit toute la zone, se solde par l'échec en Syrie. C'est-à-dire que ce projet échoue. Alors que l'enjeu syrien, Bachir, ça se solde financièrement, c'est des centaines de milliers de dollars, l'enjeu syrien. Ils l'ont perdu. Qu'est-ce que vous croyez? Ils doivent durcir les conditions en RDC. Il faut rapidement la maîtrise des grands lacs. Ce vieux rêve-là doit s'accomplir. Kabila Genessa. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. On veut vous amener dans les débats domestiques des quartiers. Alternance, machin, pour l'insulte telle que madame tout à l'heure, madame Dana était en train de parler de ça, les oppositions africaines primaires. Alors, on veut vous enfermer dans ça. C'est ça l'enjeu. Kabila s'oppose à ça. On a des confidences aujourd'hui qui sont faites, des officiers occidentaux le disaient dans les réunions, que ce monsieur Kabila, nous l'avons aidé, qu'est-ce que c'est ça le pouvoir, aujourd'hui il nous lâche, on va le faire payer par tous les moyens. C'est ça, on a entendu le dire. C'est ça l'enjeu. Mon jeu Bachir. Kabila a résisté. Il a déjoué ça. La DES, c'est-à-dire que l'éclatement du Congo, qui est un vieux rêve américain, les officiels américains l'ont dit ouvertement, qu'il faut soudaniser la RDC. C'est leur rêve américain, était déjà programmé au cas où l'élection débouchait sur un chaos généralisé. Et Bachir, vous imaginez c'est ce que ça allait faire, l'éclatement des Grands Lacs, ou cela la colonisation immédiate de tout le continent africain. C'était ça le grand coup. Le grand coup que les stratèges américains rêvent en coulisses. Kabila a déjoué ça, ça a échoué. Mon cher Bachir. Ça a échoué. Pour revenir au comportement de ce que vous appelez l'Église catholique. Moi, j'ai toujours distingué le clergé catholique et les simples croyants catholiques. Je suis ceux qui pensent qu'il faut laisser les gens mûrir dans leur foi. De façon libre, je crois à ça. On n'a pas à imposer à quelqu'un une foi. Donc, je ne fais pas toujours la distinction entre les deux. Mais Bachir, je l'ai toujours dit ici. Ça fait 5 ans que je suis en guerre contre ces gens. Le Vatican, c'est une authentique criminocratie. Avec à sa tête un tribunal international, qu'on appelle le pape, assisté de ces évêques-là. Vraiment, il y en a parmi des gens très bien. Vraiment, je pense à ces prêtres qui sont sérieux, mais ils sont tellement minoritaires qu'ils ne pèsent même pas à cette affaire. Et l'élection à l'EDC nous a montré une fois de plus la démonstration de cette criminalité. Voilà une organisation qui fait feu de tout bois et qui montre aux Africains que tout cela n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Donc, si jusqu'aujourd'hui encore, un Africain accorde le moins de respect au Vatican et à ses représentants, mais libre à lui de l'assumer. Libre de l'assumer. Nous avons reçu la semaine dernière quelqu'un, un expert représentant des Nations Unies, bien formé, qui les connaît bien, qui nous a informé ici, élément à l'appui que la plupart des prêtres blancs qui sont en RDC sont des ingénieurs à mine revêtus de soutane. Tefak et Tondé et Koto. Très bien. C'est leur rôle. Alors on le sait. Il nous fait savoir que dans les zones là-bas où on pille, là-bas à l'est, où il y a le pillage, il n'y a que des pasteurs blancs, des prêtres blancs, qui y vont, blancs. Et il demandait pourquoi. Je confirme ce qu'il dit. Moi, j'ai travaillé dans une ONG internationale catholique. il y a des années aujourd'hui, j'ai démissionné après une bataille féroce contre le responsable qui était un évêque à l'époque. Il est décédé, mais ceux qui m'entendent parler m'écoutent. Le patron, c'était un évêque très proche du pape Jean-Paul II. C'est une guerre que j'ai menée contre l'État. Pourquoi ? Je me suis rendu compte très bien à quoi servaient leurs affaires là. Piller les machins, aller recycler ça là-bas en Italie et utiliser les Africains dans cela. Donc c'est clair, je vais donner un ensemble d'informations. Je vais terminer par là. Qu'on comprenne. Le lac Tanganyika. Aïe. A l'eau le plus potable au monde. L'ONU s'est approprié cette eau. Et cette eau a des vertus extraordinaires. Vous faites le lac Tanganyika, tout ça, on appelle ça le grand lac, mon cher Bachir. Lac Tanganyika. Le plus grand laboratoire de fabrication du virus Ebola se trouve en RDC. Alors, on y a développé des mécanismes très subtils de propagation sous contrôle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on propage la maladie sous contrôle pour faire chanter les dirigeants. Et voilà. L'enjeu. C'est un singe qui a... Les études de genoux disent que cette maladie provient d'un singe. Et on a amené les hommes à s'accoupler avec ce singe. On a créé Ebola, on a gardé, pour en faire un instrument de géopolitique, mon cher Bachir. Mais dites-nous comment cette maladie-là est arrivée comme ça, et son siège, c'est en RDC. Un matin, vous entendez, crise d'Ebola, un matin, ça disparaît, un moment, ça revient. Vous êtes dans la guerre géopolitique à un niveau très, très élevé, mon cher Bachir. Le fleuve Congo a 24 nappes de poissons. Les arêtes de ce poisson servent à traiter les AVC et les insuffisances rénales. C'est le domaine réservé des Nations Unies. Alors, là, je ne parle pas des mines. Hein. On parle d'autres enjeux périphériques, mais très importants, d'écran là. Mais vous comprenez que le sort d'une partie du monde se joue là-bas. Se joue là-bas. Vous comprenez pourquoi la MONUSCO est venue s'installer définitivement en RDC et ne veut jamais repartir. Dans un tel contexte, il n'y a même pas de débat à faire pour savoir que ce n'est pas une affaire de démocratie d'Athènes, ça c'est l'histoire des enfants. C'est une affaire d'engager une guerre contre ces occupants et les bouter hors de ce pays par tous les moyens nécessaires et légitimes que l'intelligence nous permet de développer. Et nous venons d'avoir, n'est-ce pas, une démonstration de génie africain à travers ce que vient de faire le président Kabila, à qui nous apportons tout notre soutien et nous saluons, n'est-ce pas, le président déclaré élu pour le moment, attendant le verdict officiel, Tshisekedi. Je voulais terminer par le rôle des partis, mon cher Bachir, politique. Vous voyez, aujourd'hui, je reviens pas sur les gesticulations qu'il y a au Conseil de sécurité, oubliez ça, il n'y aura rien, ils ne peuvent rien faire. Comme tu as dit, le monde a changé. Ils gesticulent. Le président Kabila a pris un ensemble de dispositions qui permettent d'anticiper sur les gesticulations occidentales au Conseil de sécurité. D'ailleurs, vous savez, quand ils sont en position de force, ils ne font pas comme ça, ils ne font pas le débat. Ils interviennent immédiatement. Voilà. Quelquement vouloir faire parler du droit, c'est qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en position de force. Bachir, vous voyez, aujourd'hui, vous entendez des voix ici où on vous dit non, il faut par exemple un gouvernement de national. Je n'ai rien contre un gouvernement pour apaiser. Mais quand les Occidentaux commencent à vous dire qu'ils ont besoin d'un gouvernement de national, posez-vous les bonnes questions. Ça veut dire qu'il y a une dynamique nouvelle qui les échappe, qui est en cours, qui est en train de tout construire. C'est le cas de l'alliance entre le président Kabila et Tshisekedi, qui va recomposer le tissu politique en RDC, mon cher Bachir, et qui va agrandir le spectre social, la base sociale du pouvoir, mon cher Bachir. Avec une telle base sociale, l'État congolais deviendra plus fort, peut discuter en position de force, peut faire avancer ce processus centenaire de libération de ce peuple, en engrangeant les combats au jour le jour, en les comptant. Alors bien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout le bruit qu'on fait là, c'est pourquoi l'Union européenne vient rebondir l'Occident derrière Fayoulou en plaçant les pions au sein du gouvernement pour bloquer la continuité de la dynamique de libération qui avance qu'à un camp, mais qui avance quand même. Donc moi, je n'ai rien contre le gouvernement national, mais seulement, il faut bien réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière comme projet. Merci, Président Bandakani. Donnons la parole à nos téléspectateurs avant de revenir sur le plateau. Et on me fait savoir, Luc Michel voulait compléter son analyse.